Lors de sa visite au musée central d'éducation de classe, Kim Yong-un, chef du groupe de visite dans la patrie des élèves des écoles coréennes de cycle supérieur au Japon, a condamné les impérialistes américains qui ont imposé des malheurs et souffrances incommensurables au peuple coréen à travers des siècles. Il a souligné, entre autres, « Les Américains ont marqué la première page de leur histoire d'agression contre la Corée par l'intrusion du navire Sherman. » Cette histoire d'agression sanglante est caractérisée par les massacres, pillages et destructions les plus barbares. La nature des impérialistes américains, auteurs de l'agression et meurtriers assoiffés de sang, a été révélée plus nettement lors de la dernière guerre de libération de la patrie. Les données sur les atrocités des Yankees et leurs armes meurtrières exposées montrent leur cruauté et barbarie. Les impérialistes américains sont le pire vampire et l'ennemi juré. Au lieu de tirer une leçon sérieuse de leur défaite essuyée dans la dernière guerre de Corée, les États-Unis se démènent même à présent pour plonger le berceau de vie de notre nation dans la guerre nucléaire. Si jamais les agresseurs osent se ruer sur ce berceau dont l'oubli de leur passé honteux, ils n'obtiendront que la ruine.